إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Inch'Allah ou Ta'ala, concernant le sujet donc que j'avais proposé, à savoir les règles et les principes du takfir, Inch'Allah ou Ta'ala, je vous apporte un audio qui sera également accompagné donc plutôt qui accompagnera l'écrit donc de mes paroles et de l'exposé, Inch'Allah ou Ta'ala. Peut-être que ce sera une facilité pour certains, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc, dans l'introduction, il faut savoir que le takfir, c'est un principe islamique qui est bien réel et plus que ça, qui est même fondamental. Tous les prophètes, ils considéraient ceux qui ne suivaient pas le message qu'ils apportaient, yani de la part de leur Seigneur, comme des koufars. Hein, des infidèles, des mécréants, des païens, des mouchrikouns, des idolâtres et des insoumis. Et c'est aussi de cette façon-là que les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont pratiqué le takfir sur ceux qui refusaient de payer la zakat après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était ces guerres qu'on appelait « Hurub al-Ridda ». Guerre d'apostasie. Et ainsi que ceux sur qui ont. Pardon, ainsi que ceux qui ont cru, pardon, en Musaylama al-Kadhdhab. Musaylama, le menteur, qui avait prétendu être un prophète après la mort du prophète, alayhi salatu wasalam. Et également ceux qui ont adoré Ali, radiallahu anhu, et d'autres exemples que les savants ont tous évoqué dans les livres de Sira, de l'histoire. Et tous les savants et les juristes de l'islam ont écrit donc au sujet du droit dans le fiqh, les kutub al-fiqh, les livres donc de jurisprudence, et dans aucun de leurs livres ne manque le sujet de l'apostasie. Sujet qui consiste à ce qu'une personne sort de l'islam après y être rentré. Ça veut dire que lorsqu'on parle de ridda, d'apostasie, ça veut dire une personne, elle a fait shahada, elle est rentrée dans l'islam, et après ça, elle a commis un acte qui l'en a fait sortir. Même si cette personne-là, elle prétend toujours être musulman. Donc, Inch'Allah ou Ta'ala, on va répondre, allez, rapidement, brièvement, à certaines fausses règles qui ont été inventées par les gens. Beaucoup qui se réclament de la salafia ou bien du minhaj des sahaba des salaf salih, etc. mais qui en réalité ils ne sont pas sur l'istiqama, yani sur la bonne voie et sur la voie de la droiture, yani. Et donc ils ont inventé des fausses règles qui n'ont aucune source dans le Coran et la Sunna. Bifahmi salaf salih, sans ni sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, le fait de faire le takfir, c'est-à-dire de rendre une personne kafir, mécréante, donc faire le takfir de celui qui adore un autre qu'Allah ou qui suit un autre prophète que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la personne, elle est convaincue, c'est être convaincu que cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Et elle n'est pas du tout sur la religion qui est enseignée par le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Et cette conviction-là, elle est inséparable du tawhid. Et c'est l'un des premiers enseignements qui ont été apportés par la totalité des prophètes. Jami' al-Anbiya. Tous les prophètes, ils sont venus avec cela. Et à tel point qu'il est impossible d'être musulman et d'entrer au paradis sans avoir cette conviction-là. Comme on va voir, Inch'Allah ou Ta'ala. Taïb, donc, quelle est donc la place du takfir dans le Coran? Donc, dans le Coran, il y a plein de versets qui évoquent ce sujet-là. Le fait donc que ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les alliés du Tarout, et ceux qui démentent les prophètes ou s'opposent à leurs enseignements, ou à certains de leurs enseignements, sont des mécréants. Et que leur refuge éternel, c'est l'enfer dans l'au-delà. Wal'ayyadu billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en préserve. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Kafiroun, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ dit, où vous les mécréants, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit donc dans le charh, le tafsir de cette sourate, il dit cette sourate, c'est la sourate de la rupture avec les œuvres que font les polythéistes. Et elle ordonne le tawhid, le monothéisme. Et lorsqu'il dit, dit, ô vous les mécréants, cela englobe tous mécréants sur toute la surface de la terre. Il dit ça dans Tafsir Ibn Kathir, tome 8, page 507. Rahimahullah ta'ala. Il dit, hada surat al-bara. Il dit, c'est la sourate de la rupture. من العمل الذي يعمله يعمله المشركون. Donc ça c'est vraiment clair dans ce qu'il dit. Et il dit également rahimahullah, en effet le messager et ceux qui le suivent adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'après sa loi, et c'est pour ça que le témoignage de l'islam, et la ilaha illallah, Muhammad ar-Rasulullah. C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et aucun chemin ne mène à lui si ce n'est le chemin enseigné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux polythéistes, ils adorent autre qu'Allah d'après un culte qu'Allah n'a pas permis. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, à vous votre religion et à moi ma religion. Lakum dinukum wa liya din. C'est comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et s'il te démente, dis à moi mon œuvre et à vous votre œuvre. Vous êtes innocent de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites. Dans la sourate 10 et au verset 41. Donc, tout ça c'est également dans le tafsir d'Ibn Kathir. Tome 8, page 508. Il dit aussi, rahimahullah, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, vous avez un bel exemple à suivre dans Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié, et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. قال ابن كثير رحمه الله لقوله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا Il dit donc Ibn Kathir, certes, quand Allah il dit, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, ça veut dire nous nous séparons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. C'est-à-dire, nous renions votre religion et le chemin que vous suiviez. Après Allah il dit, et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées. C'est-à-dire qu'il y aura désormais une séparation et une haine. La adawa wal barda min al-an baynana wa baynakum. À partir de maintenant, entre vous et nous. Subhanallah. Entre vous et nous, tant que vous serez sur votre mécréance. Ma damtum ala kufrikum fa nahnu abadan natabarra minkum wa nabghadakum hatta tu'minu billahi wahda. Donc à partir de tant que vous serez sur votre mécréance et donc à tout jamais nous faisons rupture avec vous et nous vous haïssons jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous témoigniez de l'unicité d'Allah et que vous lui consacriez vos œuvres de culte à lui seul. Et que vous vous sépariez de ce que vous adorez en dehors de lui comme rivaux et idoles. Donc toujours dans le tafsir de Ibn Kathir. Volume 8, page 87. Donc, subhanallah, on voit ici que le modèle d'Ibrahim alayhi salam et des autres prophètes, radiallahu anhum, ne peut être suivi sans avoir au préalable eu conviction que ceux qui adorent d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas sur la même religion et qu'ils ne sont pas des mouahidines. Des monothéistes et qui n'ont pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Troisième verset, Ibrahim alayhi salam, il dit à son peuple, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Qala at-Tabari تفسير هذه الآية donc At-Tabari dit dans l'explication de ce verset ولست منكم أي لست ممن يدين دينكم il dit je ne suis pas de vous c'est-à-dire je ne suis pas de ceux qui adorent ou plutôt qui adoptent pardon votre religion ويتبع ملتكم أيها المشركون et de ceux qui suivent votre chemin, ô vous les polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, tel est mon chemin, j'appelle à la religion d'Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et pureté à Allah, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. Également il dit, At-Tabari, dans l'explication, dans l'interprétation de ce verset, وأنا بريء من أهل من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني. Il dit je suis innocent de ce qui lui donne des associés. Je ne suis pas des leurs et eux également ils ne sont pas des miens. Donc on voit encore une fois dans ces versets là que le fait d'exclure de l'islam, de sortir de l'islam ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie de la religion des prophètes, et que c'est l'essence même du désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Contrairement à ce que yani, on nous rabâche souvent, que le takfir c'est pas de l'islam, que c'est un fléau, wal'iyadu billah, et on reviendra sur ça, etc. etc. Donc inshallah, ceci était l'introduction et la place du takfir dans le Coran. Et inshallah, on verra quelle est la place du takfir dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans la sirah, dans l'histoire. Et on verra, donc on répondra également, comme j'ai dit, à d'autres ambiguïtés par la suite, inshallah ta'ala. J'espère que cet audio a été profitable. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.